Drums, Pillars and Pyre. Dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Élise Christophe. Alors, l'histoire que je viens de raconter, telle que l'a écrite Jean-Benoît Patricot, l'auteur, fait la part belle à la légende. Mais au-delà du romanesque Joël Chevet, est-ce que la Marie-Thérèse que vous avez rencontrée en écrivant votre biographie, est-ce qu'elle ressemble un peu à celle qu'on vient d'entendre jouée par Rachida Brakni? Alors je dirais que oui, elle lui ressemble en particulier par l'amour passionné qu'elle a pour le roi. La Palatine elle-même disait elle ne haïssait point ce métier. Ce qui dit bien en effet l'amour qu'elle portait au roi sur le plan strictement charnel. Alors, en ce qui concerne le nœud de l'intrigue, si j'ose dire, que sait-on exactement de cet enfant, soi-disant noir, dont Marie-Thérèse a accouché le 16 novembre 1664 ? Alors, ce qu'on sait, évidemment, c'est que d'abord, c'est une enfant prématurée qui naît à moins de 8 mois, donc ce qui explique déjà qu'elle puisse avoir des problèmes à la naissance. Deuxièmement, l'accouchement s'est très très mal passé. Marie-Thérèse est au bord de la mort, puisqu'on lui prescrit le Saint-Sacrement, enfin, elle reçoit les derniers sacrements. Et donc, cet enfant va naître, évidemment, complètement cyanosé, violet. Mais on ne le sait, évidemment, que 20 ans plus tard, quand la grande demoiselle, écrit ses mémoires. La grande demoiselle n'a pas assisté à l'accouchement. Et elle raconte que Monsieur Frère du Roi lui a donc dit que cet enfant était noir et ressemblait, donc, au petit page que le duc de Beaufort avait offert à la reine et qui, en effet, était noir. Ou en tout cas, mort, ce qui à l'époque veut dire aussi bien basané qu'africain ou arabe. Dans la fiction là, qu'on vient de raconter, l'auteur a imaginé que Louis XIV aurait inventé une histoire pour faire plaisir à son épouse, donc la petite Marie-Anne de France ne serait pas morte, qu'elle aurait vécu cachée dans un couvent et que pour jouer le rôle de cet enfant, il aurait mis une jeune novice métisse, une enfant adultérine qu'il aurait eue avec une comédienne d'origine africaine. Est-ce que cette histoire est plausible, selon vous, Joël Chevet ? Non, alors elle est d'autant moins plausible qu'au moment de la naissance et plus de 20 ans après, on n'a jamais parlé de cette histoire. C'est une légende. Personne n'en a parlé, sauf le jour où, en effet, cette jeune femme qui était dans un couvent de bénédictines près de Fontainebleau a prétendu être la fille, alors, de Marie-Thérèse ou de Louis XIV, on ne sait pas. Le bruit a donc couru à ce moment-là à la cour, la reine est déjà morte. On est dans les années 1690. Et c'est là où Madame de Maintenon intervient en disant « mais tout ça est ridicule, cette jeune fille est la fille de mort qui tenait la ménagerie de Versailles, qui ont eu cet enfant et que j'ai placé dans ce couvent de Morée, comme ça se faisait à l'époque. Les gens se débarrassaient de leurs enfants quand ils ne pouvaient pas les élever, les plaçait au couvent. » Elle n'était pas la fille du roi. Elle n'était absolument pas la fille du roi. Voltaire s'est emparé de cette affaire par la suite, est allé visiter la mauresse en question et a dit qu'elle ressemblait surtout au roi, donc a plutôt prétendu que ça n'était non pas la fille de Marie-Thérèse mais une fille de Louis XIV qui lui en plus était très noir de peau. Louis XIV était un type vraiment très brun, donc voilà, on a accrédité aussi cette légende. La princesse de Conti est intervenue par là-dessus, fille de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière, et la princesse de Conti a dit écoutez, moi j'ai assisté à la chose et c'était bien la petite princesse Marie-Anne, complètement cyanosée par cette naissance. Il n'y a pas eu de substitution d'enfant et l'enfant qui a été exposé après sa mort était bien la fille de Marie-Thérèse et de Louis XIV. Marie-Thérèse. Et d'autres témoignages viennent confirmer cette version tout à fait plausible, bien sûr. Alors, cette histoire, par ailleurs, même si elle a été montée de toutes pièces, elle révèle quand même beaucoup de choses intéressantes, me semble-t-il, sur cette époque et sur sa relation aussi entre Marie-Thérèse et Louis XIV. D'abord, on le voit, une reine dans son rôle de génitrice n'a pas le droit à l'adultère. Hein. Le roi, lui, peut batifoler autant qu'il veut, avoir des enfants adultères. Louis XIV, d'ailleurs, fera légitimer ses enfants bâtards, on le dit. Par contre, le ventre de la reine, il est dépositaire quand même de la lignée royale. Le sperme reine, du roi est, tout à fait, n'est pas mais le, n'importe quel sperme. Le grand problème, c'est que seule la reine peut savoir si l'enfant est légitime. Bah, d'où le mystère. Sous cloche, oui, d'une c'est ce qui explique la mise sous cloche des reines. La mise sous cloche des reines. Et l'accouchement, évidemment, en public pour éviter toute substitution d'enfants, mais surtout cette mise sous cloche qui, en plus, est réelle. Une reine de France n'est jamais seule. Alors, ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, on l'a entendu, c'est la méconnaissance que l'on peut avoir au XVIIe siècle des choses de la reproduction. On entend la reine penser qu'elle est fécondée par le simple regard de Louis XIV sur elle. Alors là, non. Le discours médical est quand même un petit plus précis que cela au XVIIe siècle. On pense que c'est un échange de liqueurs. C'est-à-dire que la femme est également produit une semence, si vous voulez. Et donc, ces deux semences se mêlent. Et on pense aussi qu'il vaut mieux concevoir les enfants, et ça, c'est l'Église qui le dit, que si le couple est amoureux, ça fait des enfants quand même qui sont plus beaux. Et Louis XIV, est-ce qu'il est crédible quand il pense que c'est le regard de Nabo qui aurait pu féconder, enfin, voilà, un regard alors, bien pénétrant. Est-ce qu'il croit ce qu'il dit ? L'annonce n'est pas une superstition qu'on raconte à l'époque. Par contre, ce qu'on rencontre très fréquemment, c'est le fait qu'on doit détourner de la vue des femmes enceintes tout ce qui peut les terrifier, éventuellement, ce qui déformerait l'enfant. On le pense aussi du chocolat. C'est très connu. Il faut relire Madame de Sévigné, c'est très drôle, qui parle de Madame de Coëtlogon, qui a mangé du chocolat pendant toute sa grossesse et qui a accouché d'un enfant noir comme l'enfer, dit-elle. Marie-Thérèse mangeait beaucoup de chocolat. Elle en buffait beaucoup. Mais c'est des choses auxquelles on croyait. Ce sont des superstitions qui ont vraiment cours. Alors, Louis XIV et Marie-Thérèse ont eu ensemble 6 enfants. Un seul survivra, donc Louis de France, qui assurera seul la pérennité de la dynastie. Comment expliquer cette mortalité ? Est-ce qu'il y avait un problème de consanguinité entre eux ? Alors, c'est très, là, pour le coup, ça nous est très difficile à démontrer. Ce qui est certain, c'est que, bon, la petite Marianne dont nous avons parlé, elle naît prématurément. Donc, ça peut être la consanguinité, je l'ignore. Et de toute façon, les contemporains l'ignoraient. Il ne faut pas oublier quand même que deux autres de ses enfants ont survécu. Ils n'ont pas, ils sont pas du tout morts à la naissance. Il y a quand même, en 1600, dans les années 1670, 3 enfants de la famille royale, dont la petite madame qui a 5 ans, le petit duc d'Anjou qui ne va mourir qu'à 3 ans. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas tous morts à la naissance, et que de ce côté-là, Marie-Thérèse ne remporte pas des records en ce qui concerne la mort de ses enfants. Pas du tout. Alors, la consanguinité, ça c'est un autre problème dont les contemporains ignoraient totalement les effets. Alors, malgré toute cette histoire, vous pensez, Joël Chevet, qu'on ne peut pas dire encore maintenant « pauvre Marie-Thérèse », après avoir écouté ça, est-ce que pour vous, elle a quand même joué un rôle politique à sa mesure ? Alors, moi, je la vois moins pauvre qu'on a tendance à le dire. Je ne cherche pas à la réhabiliter, mais plutôt à la réévaluer, à réévaluer le rôle qu'elle a joué auprès de Louis XIV, dans cette cour de Louis XIV. Sur le plan politique, disons-le tout de suite, elle a quand même été la dernière régente de France à partir de 1672, pendant la guerre de Hollande, régence que le roi a renouvelée tout le temps où la guerre a duré, d'autant que le dauphin, à ce moment-là, avait déjà 11 ans, la majorité étant à 13 ans pour les rois de France. Donc il a confiance en elle. Mais il a d'autant plus confiance qu'en elle, que ce que l'on oublie toujours, c'est qu'elle a été 10 ans héritière du trône d'Espagne. Et ça, on s'en est rendu compte à ce moment-là. Et tous les commentateurs de l'époque ont salué le professionnalisme avec lequel elle a été régente à ce moment-là, car elle avait des pouvoirs extrêmement important sur ce plan. Et puis surtout, c'est là-dessus que je voudrais surtout insister, c'est sur l'Espagne qui a été pour eux l'horizon politique de tout leur règne commun. Il est évident qu'ils se sont vus tous les deux à un moment roi et reine d'Espagne. Merci beaucoup Joël Chevet pour ce beau portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV. C'est d'ailleurs le titre de votre livre qui a été réédité en 2015 chez Pygmalion. Autant on emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Sur le site, vous pourrez aussi réécouter les émissions que vous avez peut-être ratées. Le bel été de Monsieur Katz, une uchronie, Madeleine Huguenote est convertie ou comment une jeune fille se libère du fanatisme religieux après la révocation de l'édit de Nantes. Apollinaire a volé la Joconde. Enfin, en tout, il y a 19 émissions à réécouter. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement complet de décor et d'époque, à Londres en 1940, alors que Hitler a envahi presque toute l'Europe, une jeune femme de 20 ans, Violette Szabo, s'engage dans le SOE, Special Operations Service, les services secrets britanniques, pour devenir espionne et préparer le débarquement allié. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.